Vivacité, ma radio complicité. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez bien? Bien. Fin de matinée correcte, fin de matinée heureuse? Oui. Vous voulez le programme? Bah, bon, évidemment, on est là pour ça. Il y a qu'Aurore qui est heureuse. Hein, si, Non, on est heureux aussi. Oui, on est heureux. Allez, ça me fait plaisir. Oui. On va aider Sophie qui a un souci avec son voisin Frédéric. Elle est beaucoup moins heureuse, Sophie. Elle habite dans le Luxembourg, en Belge, et son voisin lui en fait voir de toutes les couleurs. Il a jeté du Roundup sur son gazon, des fientes de poules, il attaque le chien via la clôture. C'est pas cool. Bref, ça. C'est pas cool et c'est un problème qu'on va tenter d'apaiser à tout le moins. Je viens de comprendre pourquoi Aurore est heureuse. On parle apéro dans le journal de la conso. Ouais, justement, on va peut-être l'être moins. Vous aimez les olives noires? Ah, ouais. Oui, oui. Bah, sauf qu'elles sont peut-être pas noires de manière tout à fait naturelle. D'accord. Bon. Ouais, mais noir. Mais écoutez, on verra ça dans quelques minutes. Paul-Henri, lui, nous parle de la semaine bio parce qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans et Sébastien, on en consomme de plus en plus du bio. On verra ça dans un instant. Et puis Hubert part en pique-nique. Mais attention. Petits conseils parce que les vacances s'approchent quand même. Ouais. Et puis alors, on va aller en pique-nique, mais on prend parfois des risques en pique-niquant. Alors, quelques conseils santé. Pour éviter les problèmes. Les petits problèmes. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail à l'adresse pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 30 63. Côté musique, parce qu'il y aura de la musique, il y aura lui. Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace? Et puis, il y aura eux. Ah! Ils sont 3 contre 1. Ils sont toujours vivants? Qui va battre? Pas tous. Pas tous, non, malheureusement, pas tous. Bah, finalement, oui, ils sont plus qu'un contre 1 sur le coup, si on fait le calcul. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est Vivacité. On est ensemble jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Sur toi, je suis tombé. Tu as la peau qu'on voudrait goûter. Et le sourire muy caliente. Comme si le temps s'était arrêté. Au ralenti, je t'ai vu t'avancer. Devant ta beauté, je reste planté. Me laisse pas solo, solo. Je vais pas te saouler. Je vais juste t'attendre et te voir tanguer. Est-ce que t'aimes danser, te balancer? Arrête un peu de penser et laisse-moi t'enlacer. Solo. Premier regard, je suis charmé. Tu es un ange venu me tenter. Et je pourrais bien succomber. Entre nous, y'a le fuego, l'envie. Tant de désirs inassouvis. Si le désir est de la partie, me laisse pas solo, solo. Je veux pas me poser, mais je t'ai dans la peau. On pourrait causer. Est-ce que t'aimes danser, te balancer? Arrête un peu de penser et laisse-moi t'enlacer. Et avec ça, qu'est-ce qu'on demande? Una grande cerveza. Dos, por favor. avec un peu de chorizo. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'était Kenji. le soleil de l'Espagne. Vous l'avez donc compris, parce que ce que nous faisions avec Xavier, c'était ce bel accent espagnol. Pas clair. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Dites, sur Facebook, vous vous êtes lâché, hein, sur les frites de Carlo. Ah oui, alors là, touche pas à ma frite. Hein. Ouais. Frites. Ouais, et une fois qu'on dit quelque chose sur les frites, c'est levé de bouclier. Alors André nous explique qu'il revient de voyage en Australie. Il nous dit que c'est là qu'il a mangé les meilleures frites de sa vie. Mais non. Ne riez pas, c'est vrai, nous écrit-il. Mais non. Pas moyen d'avoir des infos dans les restaurants australiens. Si Carlo déniche leurs recettes, qu'il nous le dise. Je pense que voilà, on va devoir envoyer Carlo en Australie. On va demander un budget à la production pour aller en Australie. Bah, là, c'est moins cher pour ça l'instant. Ça me paraît logique. Si les meilleures frites du monde sont en Australie, il faut y aller. Voilà. Alors, Vi nous donne son bon plan. Quand j'ai la flemme, des pommes de terre grenaille coupées en quatre avec la peau, c'est bien aussi. Bah, c'est la friteuse, pourquoi pas. Mais, pourquoi pas. Mais oui, ouais, ça oui, fait un petit bon. Peu, si vous mettez du sel, pas, après, ça raison. Fait un peu comme les trucs surgelés qu'on trouve aussi. Ouais, non, sauf que c'est meilleur que les trucs surgelés qu'on trouve aussi. Oui, bien évidemment. Et puis, Annie nous donne aussi sa recette à elle. Je lave mes frites dans de l'eau chaude, ce qui enlève l'amidon. Je sèche, comme ça la graisse ne colle pas aux frites. Je cuis deux fois, bien sûr. 160 la première fois, je laisse refroidir. Ensuite, 180 pour la deuxième. Vous voulez dire quelque non, chose? Non, j'explique juste aux auditeurs qu'on a l'impression que vous ne savez pas lire. Mais c'est des fois les gens qui écrivent pas bien, il faut déchiffrer. Vous voulez que je dise la vérité? Non, c'est pas que je ne sais pas lire. C'est que, alors, je vais tout dire aujourd'hui. Ah, voilà, les vous allez tout savoir. Vas-y. J'ai imprimé en beaucoup trop petit. Et j'ai pas mes lunettes. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Mais je ne sais pas si ça va aller. Non, mais c'est pas grave. Alors après, on a encore Sophie qui nous écrit « Mais Carlo est devenu fou. Dans les chaumières, on fait des frites surgelées. » C'est vrai que c'est ce qu'il osait dire hier. « Je peux vous dire que si j'en fais un jour, c'est le divorce assuré. Même y penser, je n'oserais pas. Monsieur est bruxellois. Les vraies frites, c'est sacré. Ouais, » mais ça pourrait lui donner des idées. C'est sympa aussi ça. De divorcer pour les frites, c'est sympa. C'est franchement... Monsieur, c'est pas... Madame a beaucoup de chance. On en a une dernière ? Non. Non ? Eh bien si, on a reçu des réactions aussi par mail. Et ce n'est pas un hasard. Oui, on vous propose de devenir ambassadeur des pigeons. Ah oui, ça... Donc, pendant vos vacances, nous on vous offre le t-shirt. C'est cadeau, c'est donné. On vous donne le t-shirt « On n'est pas des pigeons » avec le beau logo devant. On n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. L'idée... Eh bien, c'est de vous prendre en photo sur votre lieu de villégiature, qu'il soit en Belgique ou ailleurs, évidemment, dans un endroit symbolique. Pourquoi pas ? Et vous nous envoyez la photo via la page Facebook, histoire de faire vivre tout ça pendant les vacances. Il suffit de nous envoyer votre adresse et votre destination, finalement, par mail. Hein. Et c'est gratuit. Oui, à l'adresse pigeon@rtbf.be. Alors, on vous envoie... le t-shirt gratuitement. Évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, mais parce qu'on a déjà reçu, et ça continue à arriver, on a déjà reçu plus de 300 mails. Et donc, exposez-nous vos projets de vacances pour qu'on puisse faire une sélection intelligente. Oui, que les plus originaux, farfelus. Au baraque de friture a une chance, par exemple. Oui, parce que la Belgique est aussi une destination de vacances. Et doit le rester. Il n'y a pas besoin de partir très très loin. Hein. Un mail pigeon au pluriel @rtbf.be. Et vous aurez votre t-shirt si vous êtes sélectionné, avec votre belle destination et votre originalité qui va avec. Overphonic arrive et puis nous prendrons la direction. Je sais pas où elle habite, Sophie. Elle habite Libramont. Elle habite Libramont. Elle a un solide souci avec son voisin. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On s'assied à table et on prend le bocal de cornichons. On met les doigts sur le couvercle. On serre bien fort, on tourne à gauche. Il faut qu'il lâche. Bien. Maintenant, les petits oignons. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Sophie mange du fromage. Simon, intolérant au lactose, mange aussi du fromage. Et oui, aucune différence. Parce qu'avec Dilea Zéro Lactose, vous savourez 20 produits laitiers 100% sans lactose, mais avec exactement le même goût. À découvrir au rayon frais et sur Dilea.be. Dilea, le geste plus digeste. Allô, l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio, en collaboration avec la PACW. Vivacité présente, Onel fait sa fête, les 11 et 12 juin, place d'Angres. Samedi, Rémi Brica, Fred and the Healers, Marca, Antoine Hénaud et 7 DJ. Dimanche, fanfare, chanson française, t'es dansant. Entrée gratuite tout le week-end. Bar et restauration sous chapiteau. Info onel.be ou 065 52 94 54. Toujours accès de l'album In Wonderland, c'était Overphonic avec le titre I Like the Way I Dance. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? La question, on va la poser à Sophie, direction Libramont avec Sophie. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, Sophie ? Ça va bien, oui. Faites des fêtes avec votre voisin, il paraît. Oui, des fêtes, mais on va dire que c'est pas la fête des voisins. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec votre voisin ? Parce que là, on est clairement dans un conflit de voisinage. Expliquez-nous ce que vous vivez au quotidien. Voilà, à la base, on a eu un petit problème urbanistique et de ça découle pas mal de soucis beaucoup plus importants. Il y a eu un malaise entre vous à la base et depuis lors, donc c'est un peu l'esprit de vengeance qui règne. Voilà, exactement. Et c'est quoi cet esprit de vengeance ? Parce que c'est ça qui nous intéresse véritablement. Qu'est-ce qui se passe depuis ce malentendu urbanistique ? Depuis ce malentendu, nous avons de formidables chiens et les chiens, malheureusement, sont victimes assez souvent d'agressions, de désagréments. Donc, c'est-à-dire que ça a d'abord été du round-up. Ah, carrément. Voilà. Les chiens, ils n'aiment pas trop. Non, et en plus, heureusement, on va dire que les enfants, nous avons pas mal de neveux et nièces, ouais, n'ont pas eu l'occasion d'en approcher, ce qui aurait été plus grave. Ensuite, ça a été des engrais. Ils jettent de l'engrais sur votre terrain, mais c'est pas très positif, évidemment, ça peut brûler aussi la pelouse. Il jette aussi quoi? Il a des poules, je pense, il en profite pour vous envoyer de quoi? De la fiente? Oui, voilà, donc récemment, nous avons reçu des seaux de fiente sur notre terrain. Carrément. Et en fait, suite à l'engrais, nos chiens ont été malades, donc nous avons installé une caméra de surveillance. Ouais. Et vous avez des images de tout ça? Oui, donc les seaux de fiente, on a des images, mais le plus grave, et c'est vraiment où là, on ne peut plus laisser passer, c'est qu'il s'en est pris physiquement via la clôture mitoyenne, mais qui est assez souple, en jetant des cailloux ou autres, et également en donnant petit chien, des coups au petit chien, au téquel. Alors, c'est pas cool, mais il n'y a pas moyen de discuter, en fait. Non, parce que... Vous avez été voir la police, vous avez porté plainte, vous avez fait quoi? On a porté plainte, donc on a téléphoné à la SPA. La SPA, malheureusement, ne peut agir que quand le maître... maltraite son chien. Et ça, c'est effectivement confirmé. Hein. La SPA ne peut pas prendre en charge tous les malheurs des animaux. Non, donc c'est sûr. Ici, il n'intervient que quand c'est le maître qui maltraite son chien. Ici, ce n'est pas le cas. Dans un conflit de voisinage, on a envie d'avoir des détails. Si on appelait le barreau de Liège. Bah, écoutez, il y a des spécialistes là-bas. Il y a notamment Céline Delray qui est avocate et qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil de conflit de voisinage? Ben écoutez, donc je pense que madame a bien fait de déposer plainte si elle l'a fait à la police. C'était fait à la police? Oui, c'était à la police. Maltraitance des animaux. Ça a des suites parfois, ça peut vraiment engendrer... Ben écoutez, ici surtout qu'il y aurait une preuve, vu que madame aurait mis une caméra, donc enfin bon, voilà, on ne peut pas maltraiter les animaux. Maintenant, je ne sais pas si le parquet suivra ce genre de plainte. Ou sinon, ben, on peut toujours tenter une conciliation chez le juge de paix quand on a des soucis de voisinage, qui est une procédure gratuite, rapide. Il faut que les deux parties soient d'accord d'y aller, évidemment. En conciliation, madame invitera son voisin qui sera convoqué par le juge de paix et il faut voir si le voisin viendra ou pas. C'est une drôle d'invitation, évidemment. Oui, voilà. Mais enfin, bon, voilà, ça porte parfois ses fruits. Il y a un système encore plus moderne, c'est la médiation en tant que telle, un médiateur spécialiste. Voilà, donc il y a des médiateurs qui est la solution que je privilégierais, qui est sur base volontaire. Donc il faut que les deux parties soient prenantes de cette démarche et on va devant un médiateur qui est une personne neutre, qui entend les positions, les versions de chacun et qui essaye de mettre sur pied une solution qui conviendrait aux deux parties. C'est qui ce médiateur? C'est un avocat ou c'est une personne qui a été formée à la médiation? Ça, c'est récent, c'est anglo-saxon, mais ça marche bien? Oui, mais il y a déjà quelques années que c'est en place et je pense que ça peut permettre une solution, surtout dans un cas comme celui-ci, parce qu'aujourd'hui ils ont ce problème de fiente ou de maltraitance. Demain, ils auront peut-être d'autres soucis, vu qu'ils sont amenés à rester voisins, je veux dire, à une longue durée. Il vaudrait vraiment mieux essayer de retrouver un bon calmer climat. Calmer ça tout de suite. Effectivement, Sophie Arsuyer, une attaque en justice pour problème urbanistique de son voisin. Donc, c'est l'enchaînement. Donc, il est vraiment temps de stopper ça. La médiation, ça peut être très très bien. C'est payant. Xavier, Le problème pour avoir vécu une telle situation, c'est que la médiation, finalement, quand les choses ont été aussi loin, c'est très dur à mener. Et franchement, remettre les gens autour de la table, c'est vraiment compliqué. Et il faut vraiment en avoir envie parce qu'elles ont, enfin, ces personnes ont quand même subi des trucs qui les ont touchés dans leur honneur. Et voilà, c'est pas agréable. Et pour le reste, la plainte et l'action en justice, faut quand même se dire que le parquet, il va sans doute trouver qu'il a mieux à faire et qu'il a plus urgent à faire. Pour le chien, et donc, il surveillera peut-être un petit peu les choses. Mais faut avouer quand même qu'on a très très peu de chances d'arriver en justice. Beaucoup moins de chances que dans une procédure civile, par exemple, qu'on intenterait pour des dommages subis qu'au pénal. Réaction de Maître Delray? Oui, tout à fait. Il y a la procédure civile. Maintenant, il faut savoir que c'est coûteux. Il faut prendre un avocat, il faut prendre un huissier. Ça prend du temps. Et puis, je pense qu'au terme d'une procédure civile, on a un juge qui nous impose quelque chose, qui va trancher. Et au bout de cette procédure, il restera encore le conflit. Bien sûr. Et puis, quid quand il se repassera encore quelque chose. Bon, peut-être que ça calmera le jeu. Et donc, voilà, je pense à la procédure civile sur base de la théorie des troubles du voisinage. Il faut prouver le trouble. Bien de causalité, etc. Mais ici, concrètement, qu'est-ce que vous proposer à Sophie, si on comprend que la médiation, ça risque d'être un petit peu foireux parce que le voisin ne veut plus rien entendre, il faut aller en justice. Justice de paix ne fait que ça. Voilà, moi je tenterai d'abord la conciliation chez le juge de paix parce que c'est peu coûteux et c'est rapide. Et c'est si sans avocat, hein, pour oui, on peut aller sans avocat. Et si la conciliation n'aboutit pas, eh bien il y a la réelle procédure via huissier, etc., mais qui est coûteuse et qui peut prendre du temps, et qui là, le juge impose une décision. Mais moi, honnêtement, voilà, si j'étais le conseil de madame, j'essaierais de la guider vers une médiation, mais pour autant que le voisin soit partant également, et il faut apaiser les choses. Donc conciliation devant le juge de paix ou médiation avec un médiateur, ouais. C'est les deux options que vous préconisez. Sophie, vous allez tenter quoi? Mais écoutez, là déjà, on a fait une demande pour pouvoir mettre des palissades, puisque ce qui le dérange, c'est que les chiens aillent près du poulailler qu'il a mis en mitoyenneté. Ouais. Donc, à notre frais, parce qu'il faut savoir que le terrain fait quand même plus ou moins 60 mètres de long. Donc, nous avons décidé d'investir dans des palissades. On espère vraiment ça va calmer le jeu. Que la commune va accepter. On va les mettre à 50, 60 centimètres de la limite. Comme ça, je veux dire, il ne verra plus nos chiens. Oui, vous avez entendu, hein, aujourd'hui c'est les chiens et demain ce sera peut-être autre chose. Donc effectivement ici, si la justice de paix peut s'occuper de ce dossier et en tout cas faire plier le voisin, ça peut être une solution si la médiation n'est pas possible. Voilà les conseils qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. Sophie, on remercie Maître Delray de nous avoir éclairé sur ce dossier. Et c'est vrai que c'est pas facile les conflits de voisinage. Et ça se termine souvent par un déménagement. Oui, malheureusement, c'est vrai que ça peut terminer comme ça, mais le but c'est que ça s'arrange. Mais on va tenter quelque chose là, et la médiation peut servir. Il y a les Bee Gees. Et puis j'ai construit un mur anti-con. C'est vrai que c'est une solution, faut demander à Florent Pagny de construire un mur. Les Bee Gees arrivent juste après la pause, et puis dans le journal de la conso, on vous dira que les olives noires, elles sont peut-être pas si noires que ça, ou peut-être. Alors c'est peut-être pas naturel. En tout cas, il y a un scandale là-derrière. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Attention, le thème plaisir estival. C'est un appareil de cuisson extérieur utilisé entre amis ou en famille. Il est équipé d'un couvercle, peut-être accompagné d'accessoires. On le trouve dans tous les coloris chez Esprit Barbecue. C'est. Le barbecue Weber. Oh oui. Esprit Barbecue, tout Weber dans un seul magasin. Parc de l'innovation à Marquette-les-Lilles. C'est grave, docteur ? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi ? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Thank you. Extrait de la bande originale de quel film? Saturday Night Fever. En 1900 combien? 78. Ah. 78, c'était les Bee Gees avec Staying Alive. On part sur les routes. Comment ça se passe, Caroline Gillet? Eh bien, c'était une journée assez calme aujourd'hui sur les routes, contrairement à hier. Mais on a tout de même un barrage filtrant présent sur la Nationale 552 Courtrai-Mons à hauteur de Glin. C'est dans les deux sens et cela provoque 1 km de ralentissement dans chaque sens. Et puis des ralentissements dans un chantier sur la 54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Petit-Reux. Et là, vous perdez une quinzaine de minutes vers Nivelles. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h30, place au journal de la conso et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vous vous souvenez du film L'aile ou la cuisse, il y a quelques années? L'aile ou la cuisse où il y avait deux Funès qui rentraient dans l'usine de chez Tricatel. Et on se disait, la bouffe Tricatel, c'est quand même pas top. On a l'impression qu'on y est aujourd'hui, hein. Clairement dedans. Hein. Dans la presse, qu'est-ce qu'on apprend? Que les olives noires ne sont pas forcément noires. Attendez, vous allez voir, il y a 60 millions de consommateurs. C'est le magazine français. Ouais, sont eux qui tirent la sonnette d'alarme, donc magazine et aussi association de ça défense des consommateurs. Ça peut le test à chaque français. Hein, ouais. Exactement. Donc en fait, leur plainte, c'est de dire que les industriels trichent pour colorer artificiellement certains fruits et légumes. Tricatel. Notamment, vous venez de le dire, les olives noires. Comment ça se passe? Ils cueillent les olives encore vertes, les industriels, puis ils les plongent dans un bain qui va oxyder artificiellement les olives. Mais ça va encore, entre guillemets, parce que c'est de l'air qu'on injecte dans ce bain, donc ça va encore. Sauf qu'après, pour fixer cette couleur noire et pour les rendre bien lisses, bien noires, bien brillantes, ils vont ajouter du gluconate de fer. C'est E579. Bien sûr. Ça commence déjà comme ça. Pareil pour les clémentines. Elles sont cueillies vertes et on les expose ensuite à un gaz à base d'éthylène. Ça va accélérer la maturité des fruits. Dernier exemple. Arrête, j'ai peur. Les jaunes d'œufs. Oui. Ça vous dit toujours, un œuf, il est bon, surtout si le jaune est super jaune. Bah ouais, non, attends, quoi? Alors, on va pas colorer le jaune directement, mais indirectement, via l'alimentation de la poule, on va lui donner du cantaxanthine. C'est une molécule qui donne au jaune d'œuf une couleur plus intense. C'est un colorant de synthèse qui est quand même interdit pour les œufs bio et pour certaines catégories d'œufs bio en France. Tu sais quoi, moi, ça me fait peur. Hubert, quand vous dites c'était mieux de mon temps, j'ai envie d'être de votre temps, finalement. Oh, écoutez, chaque temps a ses bons côtés. Mais là, côté, c'est quand même grave, quoi. Oui, bon, mais l'espérance de vie augmente quand même. Alors, paradoxe. C'est vrai que c'est comme ça. C'est pas la première fois en plus qu'on dit ça. Il y avait eu un moment un grand scandale aussi, mais on n'a jamais su si ça avait été vérifié ou pas, sur les petits pois. On disait que les petits pois, pour qu'ils soient aussi verts, on ajoute des colorants. Alors qu'à l'origine, les petits pois sont rouges. C'est bien connu. Excellent. Bon, quelques changements aussi pour la chaîne de chaussures Brentano. Oui, il faudra même dire de vêtements, puisque l'enseigne va élargir sa gamme avec du textile dès cet été. Brentano qui mise définitivement sur le changement avec également un relifting de ses magasins. Ils seront plus contemporains et au style plus féminin, nous dit-on. Tout ça aussi peut-être pour faire passer la pilule, parce qu'il y a une grande restructuration du groupe. Ça a été racheté récemment par un trio. Alors, va y avoir prix secret. 25 magasins qui vont passer à la trappe. Mais sur les 25, 19 sont repris par l'enseigne française Chaussea. D'accord. Mais ça fait quand même quelques magasins qui passent à la trappe. Autre chaîne de magasins, c'est Brico qui propose une action assez ciblée pour ce week-end. Oui, moins 20% sur tout le magasin, mais uniquement les deux premières heures d'ouverture entre 8h et 10h. Vous allez me dire, mais comment ils font? Parce que si vous êtes à la caisse à 9h59 et que tu passes et qu'il y a une longue file, très très longue file, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde, bien évidemment, comment ça se passe? Eh bien, notre grand investigateur, notre maker a testé Fred. Pour vous. Comment ça va se passer? Quand vous arrivez à l'entrée du magasin, il faut arriver à l'entrée du magasin avant 10h. Là, vous recevez un petit sticker qui vous dit que vous avez droit à 20%. En fait, ce bon de 20% est valable toute la journée. Ah, d'accord, ok. Et donc, il faut pas passer à la caisse avant 10h. Il faut rentrer dans le magasin avant 10h, garder ce bon. Et moi, ce que je fais, je vais là et puis je repars parce qu'il y a tellement de monde à la caisse. Je reviens à 17h avec mon sticker moins 20% et ils sont obligés de le valider. Dernière chose sur Brico. Sachez quand même que c'est pas le magasin de bricolage le moins cher. C'était même dans le classement qu'on a fait l'année passée. L'avant-dernier plus cher. C'était bien mieux Dema, Hubo et Monsieur Bricolage. Brico est 8% plus cher que Dema, 5% plus cher que Monsieur Bricolage sur la moyenne qu'on avait faite. Donc quand ils font moins 20%, là, ils sont intéressants, c'est clair. C'est ce week-end que ça se passe. Il y a Florent Pagny qui arrive et puis nous plongerons dans la semaine bio avec Paul Henry. À l'euro, les

en un segundo hay tanto que te sobra. Perdona, mi viejo amor, mi carrusel. Se está nublando el cielo, va a llover. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main. Encore nous deux, encore heureux, encore demain. Florent Pagny, l'album s'appelle Habana et l'extrait qu'on vient d'écouter, ça s'appelait... Et il le dit plein de fois, encore vous je n'avez suis. Pas su... Mais non, encore tout simplement, mais il l'a dit encore, mais 40 000 fois le mot. Encore. Tu retiendras pour la prochaine fois, s'il te plaît. On n'est pas des pigeons. Attention, c'est du sérieux, c'est la 12e semaine bio en ce moment, organisée par la PACW, l'agence Wallonne pour la promotion de l'agriculture de qualité. La semaine qui a débuté le 4 juin, qui se poursuivra pour l'Andry jusqu'au dimanche 12. Oui Sébastien, on a évoqué dans le journal La Conso ces olives vertes colorées en noir. Est-ce que pour vous, le label bio, c'est refuge? Est-ce que vous consommez bio en clair? Vous faites attention au bio ou pas? Oui. Bof. Honnêtement, dès que possible. La viande, ouais. Ouais, s'il y a moyen. Ouais, certains trucs, la viande, les œufs. Et puis en fonction du prix aussi parfois. Parce que clairement, le bio est quand même encore parfois beaucoup plus cher. Donc voilà, ça dépend de quel produit et de la différence de prix. Le papier OC bio par exemple, c'est super. D'accord. Pas testé encore. Non, vous mais le mangez, vous Ouais. De façon générale, on peut dire qu'on est dans la tendance puisque le secteur bio jouit d'une forte croissance depuis 2005. La consommation bio des ménages wallons a doublé entre 2008 et 2015. La proportion de fermes bio est plus importante en Wallonie, 10% pour 1% en Flandre. D'accord. Alors aujourd'hui, le bio n'est plus une tendance, il s'est imposé avec une demande plus importante de fruits, d'œufs, de fromage, de viande. Bref, un marché. Tout un marché, on peut le dire. On en parle avec Stéphanie Chavagne, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes la coordinatrice des programmes de promotion bio pour la PACW. On a un petit souci avec Stéphanie Chavagne. On va la rappeler dans quelques instants et puis on reviendra hier parce que ce sera plus facile si on est en ligne. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. Chou, écoute un peu. Oui. Hénau Caravaning, vacances à volonté. Ah. Conditions spéciales sur nos motorhomes et caravanes en neuf et en occasion. Dis, mais c'est bien ça. Et ils font des portes ouvertes du 7 au 18 juin, y compris le dimanche. On y va. Il y a déjà un motorhome neuf à partir de 35 950 euros et de nombreuses occasions pour tout budget. Hénau Caravaning Center, chaussée de Bruxelles 296 à Lodelinsart. Hénau Caravaning Center, caravane ou motorhome, vacances à volonté. Vivacité présente Tombe Adamo en concert unique à Lessine le samedi 23 juillet à 20h sur le site exceptionnel de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Inch'Allah. Adamo à Lessine le 23 juillet. L'amour est le plus. Info sur renemagritte.be. Grande braderie chez O'Green de jeudi à dimanche toute la journée et des promos exceptionnelles sur le mobilier de jardin. On n'est pas des pigeons. On vous parle de la 12e semaine du bio en ce moment avec Paul-Henri qui nous disait il y a un instant que la consommation du bio a doublé pour les ménages wallons. Le bio qui n'est plus une tendance, ça s'est imposé. On a Stéphanie Chavagne en ligne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice des programmes de promotion bio pour la PACW. Je rappelle que c'est l'agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Alors les raisons qui poussent les consommateurs à acheter bio, c'est quoi ces raisons? Oh ben je pense que c'est d'une part très clairement choisir une agriculture qui ne comporte pas d'engrais chimiques, de pesticides, d'OGM. Et puis d'autre part, je l'espère, c'est pour favoriser le bien-être de l'animal et le bien-être de notre terre. On faisait un petit sondage ici autour de la table. Le bio coûte plus cher, beaucoup plus cher. Vous confirmez ? Alors, le bio peut coûter plus cher. Maintenant, je pense que le bio n'est pas réservé qu'à des gens qui ont les moyens. La preuve, les chiffres dont vous avez parlé tout à l'heure disent que les familles à faible revenu ont doublé leur part de marché en bio depuis 2008. Donc, c'est un chiffre qui, à mes yeux, est significatif. Maintenant, je pense que si le bio peut être plus cher, c'est un élément qui est très relatif. Si vous choisissez des produits de saison, par exemple, il n'est pas certain que vous allez payer plus cher en bio. Si par exemple vous optez pour des produits en circuit court, suite au fait que vous éliminez des intermédiaires, vous pouvez aussi diminuer les coûts. En colis de viande, en bio, vous trouverez, si vous achetez ça directement chez le producteur, des colis de viande de bœuf à 10-15 euros du kilo. Quels sont les produits les plus demandés ? Les plus demandés, c'est les fruits, les légumes et les produits laitiers. C'est les trois produits les plus achetés par les Belges en bio. Et par rapport à la demande, l'offre suit, il y a une progression aussi au niveau de l'offre ? Alors, on a une progression au niveau de l'offre, effectivement. On a actuellement donc plus de 10% des producteurs wallons qui ont choisi le bio. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Ils sont même 1 sur 5 en province du Luxembourg. Donc oui, il y a une production qui augmente. Alors, elle ne suffit pas actuellement pour couvrir la demande. Alors, on l'a précisé, hein, l'opération dure jusqu'au 12 juin. Il y a des activités qui sont proposées, peut-être nous donner une idée pour ce week-end, par exemple ? Ah ben, si vous voulez, même déjà aujourd'hui, vous pouvez vous rendre par exemple à la cuisine des champs, c'est à Neuville-les-Bois, c'est l'occasion de voir comment fonctionne une cuisine de collectivité. Comme une de Fernelmont, hein. Oui, c'est ça. Demain, vous pouvez aller du côté de Netens, dans le Brabant wallon, découvrir la culture de caméline et de lentilles. Samedi, pourquoi pas, la ferme Sainte-Barbe, du côté de Orpe-le-Grand, où là, vous avez des activités, un parcours pédagogique pour les enfants. Voilà, il y a plein d'activités. Alors, c'est autant des producteurs, des transformateurs, des points de vente, des collectivités. Ici, je suis juste devant Green's Bio Bar, où ils organisent un menu bio pendant toute la semaine. On est à Bruxelles, à Uccle. Voilà, vous avez pas mal d'activités. Il y a un site internet où on peut retrouver toutes ces activités sur la semaine bio. Oui, vous pouvez aller sur le site semainebio.be. Vous pouvez faire une recherche par lieu, par date. Donc, vous pouvez faire votre programme personnel et trouver dans les 130 activités celles qui vous correspondent le mieux. Merci Stéphanie Chavagne, semainebio.be pour des idées de sortie et joindre l'utile à l'agréable. Cette semaine bio, c'est jusque dimanche 12 juin. Fade it avec Alan Walker et puis Uber pour des conseils pratiques, vraiment pratiques avant l'été. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. We are Félide, c'était Alan Walker, Texas Ranger. Ou en tout cas, assimilé. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Hubert, ce n'est pas sans une certaine émotion que nous allons entendre votre dernière chronique de la saison. Une fois de plus, Hubert, des conseils bien pratiques pour les vacances. Eh oui, Sébastien. Trémolo dans la voix, bien sûr, après émotion. Après une année où vous vous êtes souvent moqué gentiment de mes conseils, de mon bicarbonate. Mais non, jamais. Où vous m'avez fait courir des risques insensés sur le Pulsar, cette folle attraction de Walibi. On verra ça tout à l'heure en télé. Eh bien, je vois avec volupté venir le temps des vacances et je pense que je ne suis pas le seul. Et alors, je vous imagine, je ne sais pas pourquoi, mais je vous imagine bien avec un beau château chapeau de paille, et... une petite canne à pêche et un petit verre de rosé. Eh oui, et le rosé est bien frais surtout. Alors quand on va à la pêche ou l'on pique-nique, rien n'est plus terrible que des boissons qui ne sont pas fraîches. Alors un rappel, vous le savez peut-être, il faut entourer la bouteille, la boisson d'un linge ou d'un papier essuie tout mouillé et elle restera fraîche parce que en s'évaporant, cette humidité va rafraîchir la tripe. Ouais, mais vous parlez de pique-nique aussi, hein. Ah oui. Alors là, c'est toujours très gai, hein. Mais il y a parfois de mauvaises surprises. Alors partir à l'aube, quand il y a la canicule, eh bien, la glacière ne tiendra pas nécessairement le coup. Elle ne pourra pas empêcher une rupture de la chaîne du froid. Alors si vous avez pris des aliments à risque, charcuterie, volaille, viande, laitage, filet américain, etc., alors les bactéries seront à la fête, elles vont proliférer. Bonjour la gastro-entérite familiale avec maux de tête, diarrhée, maux de ventre, etc. Ah, alors, c'est chiant. Ouais, ouais, voilà, c'est le cas de le dire. Exactement. Oui, c'est embarrassant. Alors, pensez à prendre des aliments peu sensibles à la chaleur. Salade de riz, tomates, boîte de thon, sardines, fruits ou œufs durs, par exemple. Vous savez quoi, vous me donnez envie de m'installer dans l'herbe et de faire une petite siestou. Oula ! Attention ! Quoi ? Attention ! Bien sûr, si vous vous allongez directement sur certaines plantes, hein, certaines herbes, les boutons d'or, les géraniums, persil, fenouil, etc., vous aurez certes la sensation d'être à la campagne, d'être à l'air, mais vous risquez la dermite des prés. Qui c'est celle-là encore ? La dermite des prés, eh bien, certaines de ces plantes ont dans leur sève quelque chose qui libère une substance activée par les ultraviolets du soleil. Alors, dans les 24 à 48 heures qui suivent, si vous avez été atteint par cette sève, vous risquez une éruption de petites vésicules rouges. C'est assez douloureux et il faut plusieurs jours pour s'en débarrasser. Mmh. On prescrit souvent des corticoïdes. Vous avez une solution alors pour prévenir cette dermite des prés, Hubert ? Eh bien, pour éviter pareil problème, le mieux est encore de porter des vêtements longs et de vous asseoir sur une serviette ou sur une chaise de camping. Vous éviterez aussi ainsi les acariens qui pullulent. Ah oui, parce que zut, on avait la nappe en Vichy, là, tu vois, le truc qu'on voit. C'est super, ça. Mais c'est pas gai de se reposer en vêtements longs, c'est pas non, drôle. Des vêtements longs, légers, ou bien alors soyez en short ou en maillot, mais mettez... Mais ne vous plaignez pas après, ça. Ne vous asseyez pas dans l'air. Un casque. Asseyez-vous sur une serviette, voilà. Alors, ok, c'est une véritable aventure, mais... Encore, on n'a pas parlé des guêpes. Ah oui, celle-là, elles sont carnivores. Donc, si vous avez de la viande, elles vont venir. Elles ne résistent pas à l'appel de la viande. Alors, si elles se sentent menacées, elles ne vont pas hésiter à piquer. Alors, prévoyez un bon répulsif pour le cas où des guêpes auraient décidé de partager votre pique-nique. Et évidemment, un rappel... Je sais bien que c'est difficile, restez calme pour ne pas les exciter, éviter les couleurs vives, restez calme à leur approche, ne faites pas des gestes pour les chasser, ça va les énerver. Mais vous connaissez un bon répulsif pour les guêpes ? Ah ben oui, les clous de girofle par exemple. Oui. Alors, première méthode, vous broyez des clous de girofle très finement et vous les mettez sur la table dans des petites coupelles. C'est la première méthode. Deuxième méthode, alors vous prenez un demi-citron, orange ou pamplemousse et vous le piquez de clous de girofle que vous mettez au milieu. Ouais. Vous pouvez en mettre plusieurs. Ça aussi, c'est assez efficace. Efficace aussi, c'est le café. Le café moulu... pas celui qui a servi, il y a du café moulu qui n'a pas été utilisé, vous le brûlez. Alors l'odeur de café, la fumée de café, les guêpes ne supportent pas, elles s'en iront. Alors aussi, certaines huiles essentielles, les guêpes n'aiment pas beaucoup ça, le lavandin, la lavande vraie ou la citronnelle, ça repousse les guêpes et les moustiques. Et finalement, je vous reconnais rien que des conseils pour boire et manger finalement. Et oui, mais non, mais pas du tout. Alors... quelque chose qui est embarrassant. Quand vous êtes sur la plage en maillot, vous n'avez pas des sacs, vous n'avez pas beaucoup de choses. Alors, où planquer votre argent ? Dans votre petit sac, mais là, vous dites, si je vais nager, quelqu'un va fouiller dedans, ce sera facile. Alors, c'est très simple. Vous prenez

Vous écoutez Vivacité, il est midi. On s'informe avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Plus question de négocier dans le dossier des prisons après le ministre de la Justice. C'est le Premier ministre qui exprime son ras-le-bol. Il a fait les comptes. 12 rencontres en un mois avec les syndicats. Charles Michel a tranché. Le protocole d'accord ne sera plus discuté et le gouvernement n'ira pas plus loin malgré la contre-proposition remise par les syndicats. Écoutez, le ministre de l'Emploi, Chris Peter, c'était ce matin juste avant le Conseil des ministres. Kungens a négocié, a trouvé une solution avec certains syndicats. À un moment, on doit dire c'est terminé, les négociations sont terminées. On a il n'y a plus moyen d'aller plus loin. Non, enfin, et on a aussi un accord avec certains syndicats. C'est maintenant le moment pour dire négocier. C'est terminé, mais on peut donner des informations, des détails, etc. Mais c'est pas possible de négocier, d'avoir un accord avec certains syndicats et après de renégocier, ça va pas du tout. Le ministre de l'Emploi, Chris Peters, avec Marc Cirlero. On en est au 46e jour de grève dans les prisons. La boîte noire du train de voyageurs accidenté à Saint-Georges-sur-Meuse semble livrer ses informations et met en cause la responsabilité du conducteur, celui qui est décédé dans la collision. Il aurait apparemment freiné en toute dernière minute, quasi face à l'obstacle, au second train, le train de marchandises, qui était quasiment à l'arrêt. Une information du journal Le Soir, mais l'enquête se poursuit. Et en ce qui concerne le trafic ferroviaire, les trains circulent à nouveau normalement sur la dorsale wallonne, sur la ligne 125. Les trains doivent ralentir à 40 km/h à hauteur de l'accident où des travaux sont toujours en cours. Cette grève du zèle en ce moment à l'aéroport de Charleroi, elle va durer jusqu'à 13 heures. La police de l'aéroport manque de personnel alors que le nombre de passagers ne cesse d'augmenter à Gosselies. Les activités également. Les syndicats dénoncent un manque de sécurité aussi. La CSC revendique ainsi l'engagement immédiat d'une centaine d'inspecteurs. Jour J-1 pour le coup d'envoi de l'Euro de football en France. Un mois de compétition placée sous haute sécurité. Ce midi, le secrétaire d'État français au sport, Thierry Braillard, se dit contre la retransmission en terrasse des matchs pour des raisons de sécurité dans les villes qui vont accueillir les rencontres de l'Euro. Ce soir, inauguration de la fan zone du Champ de Mars à Paris. Les fan zones, ce sont ces espaces gratuits dédiés aux supporters. Au pied de la Tour Eiffel, un concert géant et déjà un premier test pour la sécurité en raison des menaces terroristes. Solène Lehen a suivi les derniers préparatifs. Le Champ de Mars ressemble à une fourmilière. Sur des engins de chantier, sur des échafaudages, des dizaines d'ouvriers à gilets jaunes s'affairent autour de l'immense pelouse. Nicolas ne passe à côté d'aucun détail. On sécurise les sapins pour que voilà, il n'y ait pas débordement. Alors comment on sécurise un sapin ? C'est des barrières ERAS en fait. On entoure le sapin, du coup il est un peu plus protégé. Le temps presse, mais pas d'inquiétude. Ce sera prêt pour le concert, ça c'est sûr, oui. Jérémy tond la pelouse du Champ de Mars avec soin. Elle accueillera jusqu'à 90 000 spectateurs par soir. Depuis lundi, on tond. On a 9 plateaux à faire. Vos pelouses, elles vont être fichues à la fin de l'Euro ? Ouais, ils vont être cramés. On va essayer de venir temps en temps pour arroger. Les répétitions du concert ont débuté. Dès ce soir, les conditions de sécurité seront optimales, promet Jean-François Martins, adjoint au maire de Paris en charge du sport et du tourisme. Les conditions de sécurité seront les mêmes que dans un stade, c'est-à-dire pré-filtrage, double contrôle, ouverture des sacs, palpation. Donc toute personne qui rentrera dans la fan zone aura été contrôlée 2 ou 3 fois. Contrôlée par 500 agents de sécurité engagés par des sociétés privées. Quant aux abords de la fan zone, 1000 policiers et gendarmes y patrouilleront. Des hommes du RAID et du GIGN seront également déployés. C'était un reportage de Solène Lehen de Radio France. Et puis le gouvernement français doit également faire face aux grèves à la veille de l'ouverture de cet Euro 2016. La grève des chemins de fer qui en est à son 9e jour. Il y a aussi la menace de grève chez les pilotes d'Air France dès demain, sans compter une grève des éboueurs là-bas aussi. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, des ralentissements dans un chantier sur la 54. Exactement, dans le sens Charleroi-Nivelles, à hauteur de Petit-Rieux, défile sur 4 km. Vous perdez un peu moins de 15 minutes à présent en direction de Nivelles. On rappelle qu'un barrage filtrant est présent sur la nationale 50 Courtrai-Mons à hauteur de Glin. Cela provoque 1 km de ralentissement dans chaque sens. Et puis, un accident s'est produit sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de Custine, kilomètre 87.1. Le passage est donc difficile en direction d'Arlon. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'info revient à 12h30 pour les titres et à 13h pour le journal. Ce sera avec Lionel de Neubourg. Merci Marianne. Bel après-midi. Eh, hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours. Et s'il y en a un hors jeu, carton rouge, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, comme d'habitude, on va goûter un truc. Et ça sent bon déjà dans ce studio. Direction le sud de la Belgique, Saint-Médard, où on va goûter des rillettes de truite. Notamment. On va aider Vincent aussi, qui a un souci avec sa voiture, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe? Un fameux problème, il confie sa voiture Renault à chez Renault. Et en allant au contrôle technique, le concessionnaire Renault a cassé le moteur de la dite Renault. Ça la fout pas trop bien. C'est sûr que c'est un petit peu fâcheux. Ils ne sont pas trop d'accord de prendre ça en charge. Il n'a qu'à prendre un vélo. Il paraît que les vélos vintage, c'est tendance, Paul-Henri. Ah, ils sont beaux. On va sortir les vélos et on va mettre des vieilles selles à ressort dessus. D'accord, on va faire ça dans cette deuxième heure. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook aussi que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse est pigeon@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660. On n'est pas bien comme ça ? Côté musique, il y aura Vianney avec On est bien comme ça. Et puis, côté souvenir, au niveau de la programmation, c'est James Brown qu'on entendra. C'est un monde d'hommes, Aurore. Tu es d'accord? C'est un monde d'hommes? Bah, parfois, ça nous fait plaisir aussi. Hein. Ah, on va pas cracher dans la soupe non plus. On a 53 minutes pour développer ce dossier, si tu veux. Drift away to lonely town. 'Cause for a moment Buggy sur Vivacité et le titre Lonely Town. Moi, Maïté, je suis une dure à cuire. Sur la qualité, on va la faire pas. Alors, je compare, je tâte. Et je goûte. Et on va goûter direction la région de Saint-Médard. On est entre Bertry et Neufchâteau avec vous, Nathalie Douran. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et vous venez avec votre production. Alors, je ne savais pas qu'on faisait des rillettes, moi, chez nous. C'est assez confidentiel, je veux dire. Hein, ouais, alors, oui, voilà. Alors déjà, excusez mon inculture en matière gastronomique, les rillettes, s'il faut définir, c'est quoi en fait exactement? Ben, les rillettes, en fait, pour la rillette de porc, sont des morceaux de porc. Ouais. Donc j'utilise des morceaux plus gras, des morceaux plus maigres, ouais. Et qui sont mijotés, mais alors gentiment, longtemps dans la graisse de porc, jusqu'au moment où la viande s'effiloche. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a ça, on met ça dans un pot et c'est fini? Alors on effiloche encore, ouais. et puis on met en pot. D'accord. Évidemment, il y a toute une recette et la poudre de perlimpinpin qui va avec. On n'a jamais la poudre de perlimpinpin, on peut essayer, mais on n'aura jamais. Maintenant, vous ne faites pas que des rillettes de porc, ce serait trop simple. Non, alors il y a des rillettes de truite également et du gingembre confit. Alors en fait, là, les rillettes de truite, et c'est là que je dis, là, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Si, si, moi oui. Ouais, mais sérieux. Il y a pas mal de rillettes de poisson qui sont déjà, mais alors... Honnêtement, au niveau culinaire, moi, chips, bière, frites, cervelas, hein, on oui, est d'accord là-dessus. Donc, d'accord, mais les rillettes quand même, c'est un petit plaisir. Et là, la rillette de truite, ouais, on pourrait tester quand même, non? Bon, on a ça sous... C'est laquelle? Parce qu'on a, vous avez amené deux produits. Moi, j'ai déjà goûté la rillette de porc. Ça, ouais, ça voilà. C'est la rillette de... Ça, c'est la rillette de truite. Je goûte la truite. C'est vraiment chouette. C'est de la truite qui vient d'où? Alors, c'est de la truite qui vient de la pisciculture de Freux, près de Libramont. Donc, Monsieur Dupont élève les truites... Le célèbre Monsieur Dupont que tout le monde connaît dans le monde entier. Voilà, mais il élève les truites en mode bio. Donc, il fait non seulement l'élevage, mais aussi la reproduction. C'est super bon. Vous savez, voilà. Avec c'est quoi délicieux. Je verrais bien ça. Dites-nous. Avec du chou vert. Parce que la truite de chou vert, pardon. Oh la vache. Ah là, on est loin, là. Alors là, on vient d'arriver, on est en fin de saison et on arrive au sommet. Je pense que mieux, on ne peut pas. Xavier, vous avez bien fait de vous lever ce matin. Je vous remercie. Parce que là, sur ce coup-là, bon, revenons maintenant à Nathalie Douran. Alors, Make a Dish, c'est ça le nom de votre entreprise? Oui, Make a Dish, oui, oui. Et pourquoi ce nom, en fait? Oh bah écoutez, Make a Dish, jeu de mots, Make a Wish, oui, Make connu a Wish, bien sûr, c'est l'idée du réenchantement, hein, un petit peu de poésie dans l'activité, réenchanter bah, son terroir, son assiette, son palais. C'est du porc wallon? Oui, c'est du porc wallon de chez Port Qualité Ardennes, donc c'est une coopérative d'éleveurs. Voilà, donc vraiment l'idée de Make a Dish, c'est de mettre en avant deux produits phares en Ardennes, qui sont le porc et la truite. Voilà, qui viennent de chez vous, des porcs. Voilà, tout locaux. À fait, et d'offrir une plus-value vraiment au produit en choisissant la filière porc fermier et alors la truite. Mais pourquoi se lancer dans les rayettes? Dans les rayettes, vous avez dit, c'est très confidentiel. C'est vrai. On n'a pas l'habitude de ça en Belgique, c'est pas vraiment le produit du terroir par excellence. Non, c'est plutôt une spécialité française, mais alors c'est tout simple. C'est mon goût pour les rillettes. C'est vrai. Voilà. Bon, alors j'adore ça. J'ai toujours eu envie de créer une activité autour de la cuisine. Et un jour, j'avais envie de manger des rillettes, mais je n'avais pas envie d'aller les chercher en grande surface et manger des rillettes industrielles. Et je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas, je vais me lancer dans. C'est un peu la Maïté belge, hein, finalement. Pourquoi mais pas. Les rillettes, c'est marrant parce que j'ai vu madame ouvrir le pot de rillettes avant de nous les tartiner et vous avez mis votre nez au-dessus. Et c'est comme si vous découvriez ça pour la première fois. Vous avez fait un grand sourire. Genre, je suis content, ça sent bon, ça a l'air, j'ai envie d'en manger. Oui, c'est pas lassé de ce genre de. Non. Ah non, j'en mange toujours. D'ailleurs, la rillette de porc et les cornichons au vinaigre. Alors, pour ceux qui connaissent la rillette des grands magasins et qui trouvent que c'est un peu écœurant ou un peu gras, parce que c'est vrai que souvent ça goûte le gras et pas le jus. Ici, ça n'a rien à voir. Si vous pensez ne pas aimer la rillette, goûtez celle-ci. Ouais. On peut en revoir d'ailleurs, parce qu'il n'y en a plus, on a tout mangé. Mais volontiers. Alors, le problème des produits artisanaux, c'est que ça se trouve dans la région où c'est produit. Donc, en l'occurrence, ici, je présume qu'on trouve ça dans la région de Bertry, Neufchâteau-Libramont. Mais est-ce que vous êtes distribué dans les grandes surfaces du coin ou ailleurs? Ou comment on fait pour trouver vos produits? Bah, écoutez, déjà, on va aller sur le site localife.be. Donc, c'est vraiment un site qui est une plateforme entre le producteur et le consommateur. Localife. Localife. Oui, Localife. Voilà. Localife. Voilà. Et mais sinon, les produits justement se retrouvent dans le sud de la province de Luxembourg. Mais j'entreprends des démarches pour monter sur Namur, Liège, pourquoi pas sur Bruxelles. D'autant plus que ce sont des verrines, elles sont stérilisées. Et ça coûte combien un pot de rillette? Mais écoutez, en épicerie pour la rillette de truite à 90 grammes, il faut compter environ 5,50 €. Et pour le porc, 6,50 €. Donc, ce sont des verrines de plus ou moins 190 grammes. Mais ce sont des, effectivement, quand on connaît un peu les rillettes,

trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. Well, today is our turn. Starts the spark in our bonfire hearts. C'était James Blunt avec le titre Bonfire Heart. T'as vu l'accent anglais ? Oh, vous le faites bien. Je fais des efforts. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Et là, je dis, Mouk, c'est gentil, Florence. Vous vous êtes exceptionnellement levé de votre matelas gonflable, géant, pour venir nous en parler, justement. Ne vous y tromperez pas, c'est juste parce que j'ai entendu qu'il y avait de la rillette. Hein. Je pars c'est juste que après. Pour ça, vous retournez dans votre matelas. Ce fameux gros matelas un peu non identifié qui a attiré notre attention, ouais. Qui a d'ailleurs attiré l'attention de plus ou moins tous les gens qui traînent sur Internet. La vidéo a fait le tour du monde, je sais pas. Je vais essayer de vous la décrire, mais c'est pas mon fort. On voit un type avec une espèce de gros morceau de toile, et alors il court en écartant les morceaux de toile, et alors ce matelas se gonfle tout seul. Tu décris super bien. J'ai vu la vidéo aussi. C'est vrai qu'elle a fait un peu le tour d'Internet. Hein. Bah ouais, l'objet s'appelle l'Amzac et il est distribué par la marque Fatboy, qu'on connaît surtout pour ses gros coussins de toutes les couleurs. Alors le Lamzac, il coûte 74,50€, c'est pas rien. Fatboy, c'est pas une marque bon marché, mais elle est connue pour sa solidité. C'est les grosses poufs qui coûtent cher. Hein. Fatboy, c'est il y a pas mal de grosses poufs. On est bien dedans. Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, il me faut ça pour m'en noter, et j'en ai acheté deux. Vous avez essayé de le gonfler ? Et là, tout de suite, j'ai vachement moins fait la maligne, évidemment. Alors, on va pas tout dévoiler là, maintenant. On laisse un peu de suspense et on verra ça en image à télé ce soir. Il reste combien d'heures pour encore essayer ? Ouais, c'est ça. Mais il y a que la marque Lamzac qui fait ce genre de coussin où on peut en trouver des moins chers, parce que 74€, c'est quand même... On peut en trouver des moins chers. Il suffit d'aller sur un site de vente genre Amazon et vous tapez dans le moteur de recherche Lamzac. Et là, vous aurez plein de coussins du genre. Parfois, c'est un peu moins cher. Parfois, c'est le même prix. Parfois, c'est même plus cher. Le seul truc, c'est que ce sont des imitations. Ouais, mais c'est fort ressemblant. Ouais, le jeune inventeur néerlandais qui a inventé le Lamzac, il a évidemment déposé son concept. Et là, ça fait des mois que Fatboy, la marque avec qui il s'est associé pour distribuer son produit, ça fait des mois que Fatboy attaque en justice et gagne des procès. Ils ont par exemple gagné contre Kaiser, une marque qui faisait pile poil le même bazar. Ouais. Kaiser a été condamné en justice et ils ont l'interdiction d'en vendre en Europe. Là, Fatboy vient de gagner un autre procès contre une autre copie. Ça vous dit peut-être quelque chose. Le lay bag qu'on voit passer partout, qui coûte 70€, donc c'est quasi le même prix. Alors, ce Fatboy que j'ai contacté m'a dit si le lay bag est encore en vente aujourd'hui, c'est parce que la décision de justice n'est pas encore définitive. D'accord. Donc, en attendant, quand ils ont vu que Fatboy faisait beaucoup de procès, il y a beaucoup de copieurs qui ont carrément retiré leurs produits de la vente. Cela dit, elles valent quoi ces copies ? On a essayé d'en commander une pour voir ce que ça valait, mais eux aussi, ils sont en rupture de stock, ou alors c'est plus possible d'en faire livrer en Belgique, voire en Europe. Donc, on ne peut pas vous donner un avis avisé sur la qualité des copies du Lamzac. On peut juste quand même se dire qu'elles sont quand même arrivées très très vite après l'original, alors que le concepteur du produit, lui, il a bossé 4 ans dessus. Donc, on a un doute a priori sur l'investissement en recherche et développement. Ouais, et en plus, si ces compagnies sont vouées à disparaître parce que Fatboy les attaque en justice, c'est à vos risques et périls si vous achetez une copie, parce qu'en cas de problème, il n'y a plus de compagnie pour porter plainte. Bon, cela dit, je peux

Un mois de foot en direct, de concerts, de cinéma, d'apéro. Rendez-vous sur la place communale pour vivre cet événement entièrement gratuit. Tout le programme sur www.lalouvière.be en partenariat avec Hyundai et Circus. Il est 12h30. Les titres de l'info avec Lionel Denebourg. Bonjour Lionel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et dans le journal, on entendra tout à l'heure l'inflexibilité du Premier ministre sur la grève des prisons. Pas question pour Charles Michel de renégocier avec la CGSP et la CSC. Le fédéral rejette les contre-propositions des syndicats. Réponse du berger à la bergère. Vous entendrez Laurence Clamart de la CSC qui renvoie pour la suite du mouvement vers la base et les gardiens. 1,2 milliard d'euros, c'est la manne financière que pourrait rapporter l'Euro de football à la France. Au-delà du sportif, l'enjeu économique est évidemment de taille. On verra avec Seb Joris si ce chiffre d'1,2 milliard est vraiment plausible. Et puis petit détour aussi par Bordeaux tout à l'heure, avec le deuxième entraînement des Diables Rouges au grand complet désormais. On retrouvera Thierry Luters pour les dernières infos tout à l'heure. Voilà pour les grands titres, Sébastien. Merci, à tout à l'heure, 13h. Et pas des pigeons. J'aime bien ce morceau, c'est assez... C'est dansant ça, oui, non, ça fait vacances, c'est ça que je veux dire. Un peu Eurovision aussi. Ça fait, non, ça fait vacances, ça fait week-end en tout cas, puisque c'est le titre. Hymn for the Weekend, c'était Coldplay, mais non, tu trouves pas qu'il y a... T'as envie de partir, oui. Quoi. De... Ah oui. Mais on va pas partir tout de suite, parce qu'on a encore des trucs à faire. Hein. C'est le moteur de service ou elle est à vous? C'est ma mienne. C'est quoi cette caisse pourrie? Cette caisse pourrie, comme vous dites. C'est une voiture de collection de prestige. Il n'y en a plus que 3 qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. Voiture de collection de prestige. Vincent, bonjour. Bonjour. C'était le cas de votre voiture ? Non, c'était pas une voiture de prestige. Hein. C'était vous une avez voiture... quoi comme voiture ? Une Renault Mégane. Qui date de quelle année ? Elle a 8 ans, en fait. Elle a 8 ans. Et donc, vous décidez de la mettre chez le garagiste, je présume, pour un entretien ou un truc comme ça ? Non, un contrôle technique, juste pour aller la passer au contrôle technique. Ah donc, en fait, c'est ça. Vous la déposez chez le garagiste, il regarde... Chez Renault, le concessionnaire officiel Renault à Genval. D'accord. Oui, c'est ça, oui. Et donc, vous la récupérez rapidement, puisqu'il va juste au contrôle technique. Il va juste au contrôle technique. Normalement, il n'y a rien à faire. Elle est impeccable, elle roule bien et tout est bien. Mais pendant qu'ils vont au contrôle technique, le moteur casse. Ah bon. Et donc, ils disent, nous ne sommes pas responsables... nous n'avons pas fait de faute et donc veuillez reprendre votre voiture le plus rapidement possible, sinon on va vous compter des frais de gardiennage. Donc non seulement ils vous cassent la voiture, mais en plus ils vous facturent du gardiennage parce que votre voiture devient une épave et elle encombre le garage à Genval, c'est ça le principe. Voilà, mais elle n'est pas immatriculée, elle n'a pas passé le contrôle technique, on ne peut pas rouler avec et en fait elle est bonne pour la poubelle quoi. Donc elle devait censée aller juste au contrôle technique, elle n'a que 85 000 km, elle est impeccable cette voiture. Et voilà, il a mis 5 ans pour payer, mon fils a mis 5 ans pour payer cette voiture, et voilà, elle est bonne pour la poubelle, mais ils ne veulent pas intervenir, ils disent, écoutez, nous, c'est pas notre faute, donc... Et ils n'ont pas expliqué comment le moteur était... Enfin, comment un moteur peut casser comme ça d'un coup. Après 85 000 km, oui, c'est vrai. Mais en fait, ils prétendent que c'est la courroie de distribution, et donc que c'est inopiné, et que, voilà, ça aurait pu arriver à... Ça aurait pu vous arriver à vous quand vous alliez au contrôle technique vous-même, ou en allant faire vos courses. C'est évidemment la théorie de Renault. Et donc voilà, c'est la théorie de Renault, on ne sait pas très bien. Elle est d'abord ils l'ont passé d'abord une première fois au contrôle technique parce qu'il y avait un pare-choc qui était défait devant. On ne sait pas comment ça se fait que ce pare-choc s'est défait. Mm-hmm. On ne sait pas ce qu'ils ont fait réellement avec la voiture. On ne sait pas s'ils ont fait un entretien ou pas, ou s'ils ont touché au moteur ou pas. On n'a aucune idée. Et puis, pas de facture, voilà, pas de rien du tout. Non, ils n'ont encore rien fait, aucune facture. Ils ont dit veuillez reprendre votre véhicule le plus vite possible. Bon, vous savez quoi, dans ces cas-là, nous on donne un coup de fil. On va pas se contenter de votre histoire, hein, forcément. Hervé Nagels, expert chez Renault, est avec nous en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez un petit peu le dossier ? Oui, je connais un petit peu le dossier, effectivement. Dites-nous la position de Renault. La position de Renault est assez simple, puisque nous sommes importateurs et qu'il s'agit d'un litige, je dirais, purement entre le garagiste et son client. On peut difficilement intervenir en tant qu'importateur à ce niveau-là. Vous pouvez faire la médiation, évidemment, et bien sûr. Dans ce cadre-là, effectivement, on peut s'occuper de la médiation, voir un petit peu ce qui s'est passé, et puis écouter chacune des parties, et puis voir la meilleure solution qu'on peut trouver pour débloquer la situation. Et c'est quoi alors la meilleure solution ? Parce que cette voiture, c'est vrai qu'elle avait son âge, elle a 8 ou presque 9 ans. Oui. Et donc c'est normal qu'une Renault... Mais elle n'a que 85 000 km. Oui, c'est ça. C'est surtout son kilométrage qui est inquiétant. Est-ce que c'est normal qu'une Renault casse après si peu de temps ? Finalement, pour l'image de la marque, c'est pas non plus exceptionnellement bon, ça. Effectivement, mais ce véhicule a été acheté d'occasion, ce véhicule a été arrêté pendant un certain temps à la circulation, il a été mis en vente, donc on ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants de ce véhicule. C'est un véhicule qui est sorti du réseau Renault à une période bien déterminée, c'est ça que exactement, vous voulez dire. Exactement. Et le dernier entretien Renault date de quand ? Il date de 2012. Voilà, et vous pourriez être plus généreux si le véhicule était resté dans le réseau Renault du début à la fin ? C'est pas une question d'être généreux, c'est une question de pouvoir avoir un suivi du véhicule, d'en connaître un petit peu mieux son historique. Mais concrètement, alors on peut faire quoi ici ? Donc il y a même des frais de parking qui sont demandés à Vincent, puisque le véhicule encombre le garage de Genval. Ça paraît quand même assez... Il ne peut plus rien faire, lui, puisque cette voiture ne peut plus rouler. Il y a plus... Voilà, c'est tout simplement. Bien sûr. Maintenant, effectivement, je pense que la sauce est montée entre les deux parties assez rapidement du fait que plus personne voulait faire un pas vers l'autre dans cette situation. Donc les frais de parking, ça vous allez pouvoir les annuler. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va devoir voir avec le garage. Donc je suis prêt à rencontrer même les deux parties, à me déplacer et aller jusque Genval, à rencontrer les deux parties et voir ce qu'on peut faire. Et pour l'achat d'un futur véhicule, puisque ce véhicule il va plus, on peut le réparer ou tout, tout est possible. Réparer un véhicule, on peut le réparer. Maintenant, est-ce qu'effectivement, il est raisonnable d'encore réparer un véhicule qui a 9 ans, 100 000 km ? Est-ce qu'on va avoir une valeur vénale supérieure parce qu'il en a mis un nouveau moteur ? Bon, vous pouvez offrir un nouveau véhicule ? Oui. Allez, soyez fous. Là, on serait vraiment fous, mais non. Faire des conditions sur un futur véhicule. On peut voir aussi pour reprendre le véhicule, parce qu'effectivement, bon, on sent bien que monsieur est gêné avec un véhicule dont il ne sait plus rien faire. Mais c'est son fils qui a épargné et tout, donc c'est une belle histoire. Voilà. Donc voilà, il se retrouve avec un véhicule qui est immobilisé, sur lequel il n'y a pas de plaque, donc effectivement, on a quand même un garage qui est dans les possibilités, qui a la possibilité d'évacuer le véhicule au meilleur prix, et puis de faire effectivement ce qu'il faut d'un point de vue professionnel vis-à-vis du client. Vincent, vous avez tout entendu ? Il y a une conciliation possible avec le garage. Monsieur Nagel, c'est d'accord de jouer les médiateurs avec peut-être une reprise du véhicule et des bonnes conditions pour le rachat d'un véhicule neuf. Ou d'occasion. Je comprends bien, mais mon fils n'a pas du tout les moyens d'acheter un nouveau véhicule, quoi. Donc, on a donné un véhicule en état de marche. Il est quand même un petit peu normal qu'on nous rende un véhicule aussi en état de marche, d'autant plus que la courroie de distribution en 2012 a été changée chez Renault. Donc, normalement, cette courroie de distribution ne devrait pas changer après 3 ans. Elle ne devrait pas casser après 3 ans et même pas 20 000 km. Mais on a compris ici qu'effectivement, vous avez plein de questions qui sont d'ordre technique. On peut y répondre, mais je pense que le plus simple, c'est d'y répondre face au véhicule sur le parking du garage Renault de Genneval, avec le concessionnaire d'une part, vous de l'autre, et M. Nagels au milieu, qui peut jouer l'intermédiaire. Je pense que ça, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. On est d'accord que ce sera le plus simple, Frédéric, et le plus direct, si M. Nagels est d'accord et est toujours d'accord. Et on va vous mettre en contact hors antenne. Évidemment que dans ce dossier, on va vous demander un suivi. Vous nous tiendrez au courant une fois que cette conciliation aura lieu. Comme ça, on pourra voir un peu si ce dossier a avancé. On ne lâche absolument rien. Et si ça va pas la voiture, on peut prendre le vélo qui est tendance en ce moment, mais le vélo vintage qui est tendance. Les vieilles bécanes sont de retour sur nos routes. On tentera de comprendre ce phénomène avec Paul Henry juste après James Brown. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Le smartphone dernier cri. Vous en rêvez ? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 euros par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir est au contenu. Vivacité dans le Hainaut occidental. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Avicii, Dimitri Vegas, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, c'est Paris qui s'offre à vous. Pour ses 70 ans, les Voyages Léonard vous invitent à l'un de ses week-ends d'anniversaire à la découverte de Versailles et de la Ville Lumière. Au programme, les châteaux de Malmaison et Versailles, une visite inédite de Paris et le dîner-spectacle anniversaire au célèbre cabaret Le Paradis Latin. Vous connaissez déjà Paris et Versailles, dites-le nous tout de suite sur notre page Facebook. La Grande Évasion avec Philippe Geniaud et Émilie de Kegel. La 2 en télé. Qui sont les femmes de footballeurs ? Des mannequins, des actrices, des chanteuses. Elles vont pouvoir intéresser des hommes qui eux-mêmes s'intéressent plutôt au physique des femmes qu'à d'autres qualités. Femmes de footballeurs, un document chic et choc ce jeudi soir sur La 2. À Arbre, à 4 km de Hatte et à Lessines, le constructeur Thomas Epiron vous propose 2 domaines d'exception pour votre future maison. Venez visiter des maisons en construction, découvrir des terrains à bâtir et des projets de maisons à construire. Portes ouvertes ces samedis et dimanches, de 14 à 18h, chemin Basse-Couture à Lessines et rue de Soigny à Arbre, à 4 km de Hatte. Plus d'infos sur thomas-epiron.eu. Viva, viva know I made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing. Not a woman on there. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. James Brown, souvenir de 1966. It's a man's, man's world. On n'est pas des pigeons. Et vu le temps qu'il fait dehors, il fait beau, mais il a plu. Mais comme il fait un peu meilleur, c'est l'idée de ressortir le vélo pour l'Henri, mais pas n'importe quel vélo, attention. Ah, on le laisse passer. On le laisse voilà, passer. Voilà, parfait. Non, un vélo à l'ancienne, du moins au niveau du look, des vélos de tendance, vintage, comme on dit. Alors aujourd'hui, il y a des sociétés qui proposent toute une série d'objets, de quoi soigner la ligne du vélo, des marques spécialisées dans différents secteurs, comme des accessoires comme des selles, des sacoches, des guidons, des cadres. Mm-hmm. Alors quelques noms de sociétés, Ideal, San Marco, Gusti, Montegrappa, Extra Plus, Sousselini, des marques qui s'intéressent de près au look de nos vélos. Au téléphone, pour en parler, on a Jérôme Draipon, bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication chez Now Company, c'est un distributeur de la marque Brooks en France et en Belgique. Alors, c'est une tendance qui se confirme, ça, ces vélos vintage? Alors oui, tout à fait, c'est une tendance qui se confirme. Alors, elle est apparue réellement en Europe dans les années 2000. Vous pouvez voir évidemment dans la rue, hein, quand vous regardez les vélos passer, mais également de plus en plus dans les magasins, donc avec des vélos déjà montés avec des pièces vintage, donc comme la selle, les sacoches, comme vous avez dit. Et alors, il y a également de grands rassemblements tous les ans, notamment à Paris et en Toscane, donc qui s'appelle l'Heroica, qui rassemble des milliers de personnes qui sont fanatiques de cette tendance. Alors, pourquoi aimer rouler sur des vieilles selles? Alors, pourquoi rouler sur des vieilles selles? Avec des ressorts. J'imagine que ces vieilles selles sont remises quand même au goût du jour avec un matériel d'actualité et confortable. C'est là où je voulais en venir. Voilà, donc l'avantage des anciennes selles, c'est qu'elles sont faites en cuir. Et le cuir, en fait, permet de s'adapter à la morphologie de nos fessiers. Et donc elle prend la forme vraiment de nos fessiers au fur et à mesure qu'on l'utilise, ce qui est vraiment très confortable. Outre le fait que ce soit confort, ça s'adresse à qui finalement? C'est des passionnés ou des gens qui ont vraiment décidé de faire du vélo un moyen de locomotion quotidien? Alors donc, je dirais qu'il y a deux types de personnes. Donc d'abord une génération plus jeune hein, qui a grandi avec la tendance hipster, on va dire, ceux qui utilisent les vélos fixies. Ça, c'était vraiment pour aller à l'encontre des standards et du mainstream. Donc, c'est pas ça qu'on grandit avec cela. Et alors, la génération plus âgée... Qui veut retrouver les trucs sur lesquels ils ont grandi, mais ça coûte plus cher, ces produits? Alors oui, effectivement, ces produits coûtent un peu plus cher que la moyenne. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a de la valeur ajoutée, évidemment, ce sont des produits qualitatifs, en général, faits en Italie ou en Angleterre. Voilà. Et qui sont évidemment très durables. Et ça se... Oh, voilà, si ça dure, forcément, il faut mettre le prix un peu plus longtemps. Merci, Jérôme. Pour toutes ces précisions,

Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. On n'est pas des pigeons. Comme chaque jour, on termine cette émission avec le coup de gueule du jour. C'est Jean-Marc qui n'est pas content aujourd'hui. Ce mercredi, mon épouse achète 594 grammes de saucisses barbecue. Il est précis en plus. Ouais. Hein, ah oui, et il pèse tout ce qu'il achète, je pense. Je l'ai cuit au barbecue. Pendant la cuisson, de l'eau bouillonne sous la peau. Mm-hmm. Je les pèse après cuisson. 438 grammes. Il y en a déjà, il y en a qui ont des passions particulières. Donc, il a sorti sa calculette, parce que vraiment le chiffre l'obsède. 26% de moins, 156 grammes. Mais on sait que on sait que ça rejette toujours un peu d'eau, la viande. Donc, oui. Je sais pas, 26%, est-ce que c'est beaucoup ou pas? En même temps, on sait aussi, réagissez sur la page Facebook. Mais on sait aussi qu'une saucisse, une fois qu'elle devient un peu plus froide, elle rétrécit, c'est... C'est ça. C'est physique. Si, comme Jean-Marc, vous avez des choses aussi palpitantes à tout dire, n'hésitez pas à communiquer via la page Facebook de l'émission. On n'est pas des pigeons. Mais non, allez, il aura compris qu'on le charrie, Jean-Marc. Facebook, on n'est pas des pigeons. Le mail pigeon pluriel @rtbf.be, le répondeur 070 222 660. Prochain rendez-vous avec toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons, c'est ce soir en télé sur la Une à partir de 18h30 et vous allez rester sur Vivacité, évidemment. Ouais. Avec vous, Sylvie Honoré, la vie du bon côté, on parle de quoi? En parlant de saucisses. Sébastien, rompre avec le célibat. Ah, voilà. Et se préparer à la meilleure des rencontres. Voilà. Êtes-vous prêt à visiter des contrées insoupçonnées, à faire sur vous-même des découvertes étonnantes? Nous avons tous, c'est vrai, une vision personnelle de l'amour et donc nous allons parler d'amour dans l'émission d'aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup d'entre nous rêvent d'une relation que nous pourrions définir comme ceci, une joie extrême de se voir, de s'enlacer, de partager, de se parler, un tremplin pour avoir l'audace que nous n'aurions jamais eue seule. Cette définition de l'amour fait rêver, elle nous mène à la notion d'âme sœur, de bonne rencontre. Cependant, il est primordial d'assimiler l'idée que l'amour, aussi grand et beau soit-il et doit-il être, ne réalise pas tous les miracles, ne résout pas tout. L'amour n'empêche pas, et c'est tant mieux, que nous ayons notre propre cheminement à poursuivre pour évoluer. C'est la fameuse notion du développement personnel. Voilà, c'est ce que vous écrivez dans votre syllabus, Geneviève, que vous m'avez envoyé. Bonjour Geneviève. Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Et oui, tout à fait. Geneviève Forêt, vous êtes coach de vie, vous êtes conseiller conjugal aussi, et nous allons parler de ça parce que ce sont des ateliers de deux jours que vous proposez sur le sujet. Il faut au moins 2 jours. Il faut minimum 2 jours. Et minimum 2 jours pour savoir c'est quoi être célibataire, parce que voilà, c'est quoi être célibataire? Pourquoi est-ce qu'on est célibataire? Voilà, c'est quoi rompre avec le célibat? Et c'est quoi surtout se préparer à la prochaine rencontre? Est-ce qu'on est prêt à cette rencontre? Est-ce qu'on a déjà fait le deuil des rencontres et des histoires précédentes? Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Est-ce que vous souhaitez rompre avec le célibat? Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.